Un cœur de pierre, malgré les 100 balles. Sentiment cendre qui me ressemble, même pas les semblables. Des appels par mes gardes, des points que je fais sans moi. J'ai des appels de par les gars, donc partez sans moi. Ma part mes potes, si je gagne 6 sous la chemise. Une sale époque, il paraît propre, cicatrice sous la chemise. Peu pas mal taille, pense qu'un taille pour sentir que tu vis. Mais dis-moi contre qui bataille pour sortir du vide. Donc laissez-moi qu'il tranche, m'applique, mais c'est l'étoile qui me trompe. Les mains qui tremblent, c'est pas de la pluie, c'est les étoiles qui tombent. Où je suis sceptique, après de boire, et tant de déboire, m'attend des boires. Je suis sceptique, rêve de boire, m'attend des boires. Aujourd'hui, je me bourre la tête, envie d'acide dans ce monde odieux. Je gravite autour de la terre, dans le vide, l'acide, c'est mon odeur. Le poing ça se traîne, les rêves ça simule. Peu de choses s'apprennent, le reste s'assimile. Non, je suis pas de la partie, non, l'une les départs. En vrai, je suis déjà parti, mais pas de la même ligne de départ. Asségé, assez brûlé de cierge, le visage léger. Asséché, on ne s'assoit pas sur le siège d'une ville assiégée. Je trie pas le cash, les sachets, je traîne pas là où les cachets s'achètent. La mienne démarre là où leur sagesse s'achève. Non, non, je suis pas messager, je suis qu'un otage, mais sachez que ça seul cache, c'est sa chair. Rêve de saccage, les mains attachées, sa gêne. On m'a dit, dans cette étape, mais le bar descend, voix. Si je gravis les étages, je vais pas redescendre, moi. Je tire ma part des cendres, ou je fais un part des anges. Je veux pas en faire parler le sang, les gars, donc partez sans moi. On m'a dit, on s'est détapé, mais le bar descend, voix. Si je gravis les étages, je vais pas redescendre, moi. Je les appelle, t'es pas les gars, donc partez sans moi. Partez sans moi, partez sans moi. Ciel, terre et ailleurs. Yeah.